Quand vous regardez la sphère d'influence française, c'est un peu le même discours. Réalisme, cynisme, machiavélisme. On peut habiller tout cela de concepts assez bien sonnants. Cela ne cache pas moins que c'est de la fourberie et c'est des pratiques qui ne sont pas de nature à renforcer la confiance entre deux peuples. On doit rentrer dans, pour paraphraser les politiques français eux-mêmes, on doit rentrer dans une politique de véritable humanité. Panafricanisme, c'est effectivement cette nouvelle humanité qui est déclinée sous forme d'une idéologie qui aide le peuple africain d'abord à affirmer leur dignité, à affirmer leur souveraineté et à véritablement conquérir leur indépendance. Afrique Média, le monde, c'est nous.